Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir l'importance de la science du tawahid. Le premier ordre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut est « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé » Sourate 96, verset 1. Ibn Kathir a dit « Donc, ces versets sont les premiers à descendre. C'est la première miséricorde divine accordée aux hommes. Le premier bienfait qu'Allah leur octroya. Ce bienfait divin attire l'attention sur le fait que la création de l'homme commença avec une adhérence, et sur le fait qu'Allah fit apprendre la science à l'homme. C'est là la mesure de savoir qui distingue Adam, le père de l'humanité, des anges. Le savoir réside tantôt dans l'esprit, tantôt dans la langue, tantôt dans l'écriture avec la main. Le savoir est donc mental, mais exprimé aussi par la langue, transcrite. C'est pourquoi il est dit « Lui qui enseigna par le calam, enseigna à l'homme ce que l'homme ne savait pas. » Les conséquences de l'ignorance. Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, a dit « Et lorsque l'islam devient étrange aux yeux des gens, comme il l'était au début, ceux qui l'ignorent finissent par croire que la cause de miséricorde est en fait la cause du châtiment, et que ce qui cause l'unité et l'amitié est la cause de division et de désaccord. » Et que ce qui préserve le sang est une cause de son effusion. C'est pourquoi Allah dit, et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui une mauvaise augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 7, verset 131. Et aussi ceux qui dirent aux suiveurs des prophètes. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. 36, verset 18-19. Source, Ad-Durar al-Saniya, livre 10, page 502 à 510. L'obligation de connaître le sens de la shahada. Abdelrahman ibn Hassan, rahimahullah, a dit les savants d'Al-Sunna wa Jama'a ont rappelé le sens de la ilaha illallah. Il est obligatoire de connaître la négation et l'affirmation que renferme cette parole afin de nous permettre de connaître son sens réel. Source, Fatawa des savants du Najd. Al-Wazir Abu al-Mutafar, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Ifsa prononcer la shahada implique la connaissance de sa signification. Allah a dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. » Sourate 47, verset 19. Abdullah ibn Abdelrahman Abu Batin, rahimahullah, a dit « Allah a dit « Ceci est un message pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent la science qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. » Sourate 14, verset 52. Allah a dit, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Sourate 43, verset 86. Allah n'a pas dit qu'ils disent qu'il n'est qu'un Dieu unique, mais Allah a dit ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Les savants se sont basés sur ce verset et d'autres afin de montrer que la première obligation envers chaque personne est de connaître Allah. Et que l'obligation capitale est de connaître la signification de la ilaha illallah. Et la plus grande des ignorances est la connaissance incomplète de son sens. Ce qui est étrange, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles entendent quelqu'un parler du sens de la ilaha illallah, de sa négation et de son affirmation, celles-ci critiquent et disent qu'elles ne sont pas en charge des gens. On doit répondre à ces personnes qu'elles sont chargées de la connaissance du tawahid, pour lequel Allah a créé les djinns et les humains, et pour lequel il a envoyé tous ses messagers, afin qu'il le prêche. Et de connaître l'opposé, c'est-à-dire l'association, laquelle Allah ne pardonne pas et n'excuse pas celui qui en est ignorant. Il n'est pas permis de suivre aveuglément, car la shahada est la base des bases. Quiconque ne connaît pas le bien et ne rejette pas le mal est perdant, surtout lorsqu'il s'agit du plus grand bien, qui est le tawahid, et du plus grand mal, qui est le shirk. Source, Ad-Durar al-Saniya, volume 12, page 58. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'obligation de connaître la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, vient avant l'obligation de la prière et du jeûne. Le serviteur doit chercher le sens de ce qui est plus grand que la prière ou le jeûne. L'interdiction de l'association et de la croyance au tarot est plus grande que l'interdiction d'épouser les mères et les tantes. Le plus grand degré de la foi est la shahada. Ainsi, le serviteur témoigne que l'adoration est entièrement vouée à Allah. Il n'y a rien de celle-ci qui peut être donné à un prophète, un ange ou un pieux. Et c'est cependant le droit d'Allah sur ses serviteurs. La signification de la mécréance au tarot, c'est de rejeter tout ce qui est divinisé en dehors d'Allah parmi les djinns, les humains, les arbres, les roches, ou toute autre chose en dehors de ceci. Nous devons témoigner de sa mécréance et de son égarement, et nous devons le détester, même s'il s'agit de notre père ou notre frère. En ce qui concerne celui qui dit « Je n'adore pas autre qu'Allah, mais je ne me préoccupe pas des pieux pris en adoration ni des mausolées », ceci est un mensonge vis-à-vis d'Allah. Il ne croit pas en Allah et ne rejette pas le tarout. Ceci est une parole courte qui demande une longue recherche, un effort personnel afin de connaître l'islam. La raison pour laquelle Allah a envoyé ses messagers, ainsi que la recherche de ce que les savants ont dit à propos de « Quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. » Sourate 2, verset 256. Elle demande aussi de fournir des efforts dans ce qu'Allah a enseigné et dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté du point de vue du tawahid. Quiconque se détourne de cela, Allah scelle son cœur. Et cette personne a préféré la vie d'ici-bas à la religion. Allah ne l'excuse pas de son ignorance. Et Allah est le plus savant. Source, Fatawa des savants du Nejd. Allah a dit, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 18. Dans ce verset ressort le véritable sens de l'attestation. En effet, l'attestation est liée à la science. De ce fait, elle ne sera pas valable en présence de l'ignorance, qui est l'opposé de la science. De plus, les « doués de science » sont ceux qui connaissent le sens du tawahid, et leur attestation est véridique, tandis que les doués d'ignorance sont ceux qui ne connaissent pas le sens du tawahid. Alors tu les vois prononcer une parole qu'ils contredisent avec leurs paroles et actes. Ce n'est donc pas une attestation, mais une prétention. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Sourate 43, verset 86. L'imam At-Tabari, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce dernier verset, le témoignage véridique est d'admettre le tawahid d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont cru en sachant la vérité du tawahid. Ceux qui attestent en sachant la vérité, ils rendent Allah unique et sont sincères avec connaissance et certitude. L'islam n'est pas valide sans la connaissance de son sens. Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, a dit, l'islam ne sera pas valable à une personne sans la connaissance de la signification de cette parole, c'est-à-dire de la parole du tawahid, qui exige la négation du polythéisme dans l'adoration, le désaveu de celui-ci ainsi que de celui qui le commet, et de l'autre côté, la sincérité de l'adoration à un dieu unique qui n'a pas d'associé. Source, Ad-Dawla al-Thaniya, volume 2, page 153. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, après avoir cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, celui qui affirme qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien. Ce hadith contient une des explications les plus claires du témoignage « La ilaha illallah ». La formulation seule de ce témoignage ne suffit pas à sauvegarder la vie et les biens, ni à comprendre sa signification, ni à l'affirmer. Il n'a pas posé comme condition d'invoquer seulement Allah, lui seul sans associé. Mais la personne doit compléter ce témoignage en rejetant tous les objets d'adoration autres qu'Allah. Si jamais elle doutait qu'elle les rejette tous, ou si jamais l'idée lui venait qu'elle n'ait pas réussi, sa vie et ses biens ne seraient pas sauvegardés. Source, Kitab al-Tawahid, chapitre 6. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit aussi, prononcer la parole de la ilaha illallah sans connaître sa signification et sans appliquer ce qu'elle implique, ne rend pas la personne musulmane, mais ceci est une preuve contre cette personne. Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et adore autre que lui en parallèle, celui-ci a un témoignage vain, bien qu'il prie, donne la zakat, jeûne ou qu'il mette en avant certaines œuvres propres à l'islam. Il a aussi dit, toute personne qui dit la shahada sans savoir sa signification et sans vivre ou agir selon cela n'est pas musulmane. Source, Ad-Darar As-Saniya, volume 12, page 535. Conclusion. Comprenez donc que la première condition de l'attestation de foi, c'est le savoir. La preuve claire réside dans le verset suivant où Allah le Très-Haut dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. » Sourate 47, verset 19. Et cela fait l'unanimité auprès des savants, que le savoir est indispensable comme condition afin de valider la shahada. Sans science et connaissance parfaite de cette parole, sa validité est vaine, cela faisant l'objet d'un consensus. Toute personne qui viendrait à dire que l'ignorant de cette parole peut être musulman rien qu'en la prononçant, aura contredit le verset 19 de la sourate 47, et aura participé à forger un mensonge envers Allah le Très-Haut et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est indiqué dans le hadith rapporté par Muslim. Mohammed ibn Ibrahim a dit « Beaucoup de personnes prétendant appartenir à la religion de l'islam prononcent la shahada, accomplissent les quatre piliers de l'islam, mais ceci n'est pas suffisant pour les juger musulmans, et il n'est pas permis de manger de ce qu'ils égorgent, à cause de leur polythéisme dans l'adoration envers Allah. » Source, Aqidatul Muwahhidin, page 392. Sachez alors que le contraire de la science est l'ignorance, et que l'ignorance est la cause de la mécréance. La majorité des personnes résument leur connaissance de la shahada dans la traduction de son terme « il n'y a d'autre divinité qu'Allah ». Alors, ils sont dans une grave erreur et un égarement évident, car Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de connaître son sens réel qui est « le kufr bittarut » et « l'imanu billah », la mécréance au tarut et la foi en Allah, qui sont ses deux piliers, sa connaissance, son savoir, son application, sont primordiaux pour devenir musulman, et il ne peut en être autrement.